Mosaïque. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Mosaïque. Nous allons parler aujourd'hui de l'état des lieux des partis politiques au Burundi. On a observé ces dernières années des scissions graves au sein des partis politiques. Le parti Frode Bunyakuri, Iragi Gyandadae, a été récemment divisé. Le parti Uprona est divisé en deux parties. Le parti CNDD-FDD et le FNL ont été aussi fait objet de divisions internes. Certains parlementaires issus de l'Unani Amizero ya Burundi ont été à plusieurs reprises empêchés de faire des descentes dans certaines localités du pays. D'autres membres des partis politiques de l'opposition sont emprisonnés, accusés de tenir des réunions clandestines. La feuille de route qui avait été signée à Kayanza n'a pas servi à grand-chose, justement. Et pour mener ce débat, nous sommes avec nous au studio avec quatre invités. Le premier invité, c'est l'assistant du ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique, Terence Nairaja. Bonjour. Bonjour, Angelina. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nous sommes également avec nous au studio Issa Ngendakumana, qui était secrétaire général du parti Frode Bunyakuri. Bonjour. Bonjour, madame. Je l'étais, je le suis et je le reste. Bienvenue également dans l'émission Mosaïque. Nous avons aussi un troisième invité dans cette émission qui est Maître Poncien Daïchimier, porte-parole du parti Uprona, reconnu par la loi et à la tête de ce parti, Madame Conseillère Nibigila. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue également dans cette émission. Merci pour l'invitation. Nous avons aussi un quatrième invité qui est avec nous au studio, c'est Phénias Nigaba du parti Frotebou. Phénias, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Marie-Ange Zeyman avec vos micros, Séraphine Akiziman à la cabine du son, encore une fois. Bonjour et bienvenue. Mosaïque. Et justement, pour commencer ce débat, nous accordons la première intervention à Phénias Nigaba. Phénias Nigaba, pourquoi exactement tous les partis politiques au Burundi se retrouvent divisés jusqu'à ce niveau aujourd'hui? Bon, merci de la question. Mm-hmm. Je vous remercie d'avoir organisé vraiment cette séance. Mm-hmm. C'est une séance très importante pour nous. Ça concerne les partis politiques. Pour moi, je dirais qu'il y a deux facteurs. Il y a des facteurs endogènes, mm-hmm, et des facteurs exogènes. Pour les facteurs endogènes, ça peut être des problèmes sur le leadership, mm-hmm, ça peut être des problèmes sur les textes, les textes des partis politiques, mm-hmm, ça peut être d'autres problèmes, des intérêts que je dis, des personnels. Au sein des membres. Effectivement, mm-hmm, des intérêts personnels. Pour les facteurs exogènes, mm-hmm, moi, là, la main du pouvoir n'est pas très loin. Mm-hmm. C'est le pouvoir, la plupart des fois, c'est le pouvoir qui attise le feu. Mm-hmm. Qui attise le feu, même s'il y a des problèmes au niveau des partis politiques, le pouvoir ne devrait pas attiser le feu, ne devrait pas soutenir cela. Il devrait au contraire, convoquer les concernés et les conseillers pour avoir, disons, une décision qui pourrait participer à construire les partis politiques, ne pas à détruire ces partis politiques. Mm-hmm. Donc, pour moi, il y a des facteurs internes, mais ces facteurs internes ne peuvent pas avoir des forces extraordinaires sans toutefois qu'il y ait une main invisible du pouvoir. Donc, mm-hmm, le pouvoir, c'est le pouvoir qui est responsable de la destruction des partis politiques. Mm-hmm. Oui, Maître Poncien Daïchimier, qu'est-ce qui est à l'origine justement de ces divisions entre les membres des partis politiques? Ce qui est à l'origine, d'abord, je voudrais souligner que les cas ne sont pas identiques. Mm-hmm. Le cas du parti Uprona, le cas du parti Savonia Frodebou, de Frodebou Nyakuri, du FNR ne sont pas certainement identiques. Mais tout ça peut être division. Oui, ça peut être division, bien, mm-hmm, sûr. Mm-hmm. Ce qui est à l'origine, ici, comme vient de le souligner mon ami, c'est qu'il y a des facteurs internes et des facteurs externes. Mm-hmm. Parmi les facteurs internes, il y a le problème de leadership, comme il a dit, mm-hmm, mais il y a aussi le problème des intérêts que les membres poursuivent. Mm-hmm. Peuvent dévier de l'intérêt général qui a été fixé par le parti politique et chercher des intérêts personnels. Mm-hmm. Il y a des facteurs externes, et parmi les facteurs externes, je peux citer ici d'autres partis politiques parce que nous sommes en compétition. Mm-hmm. En compétition, un parti peut s'ingérer et essayer de diviser ou d'affaiblir son adversaire. Mm-hmm. C'est normal, mais il faut qu'il le fasse justement de façon licite. Et pour le cas d'espèce, quel est le parti politique qui a joué un rôle dans la division d'autres partis politiques? Mais tout le monde peut tenter du parti au pouvoir jusqu'au parti le plus faible. Tout le monde peut essayer de s'interférer dans les affaires d'un autre parti. Mm-hmm. C'est de bonne guerre s'il le fait, bien sûr, de façon licite. Je voudrais un exemple d'un parti politique qui a contribué justement à la division d'autres partis. Je n'ai pas vraiment d'exemple. Mm-hmm. C'est le sein de DFDD. C'est faux. Oui, on va continuer à... Moi, je parlais en termes généraux, mm-hmm. Puisque moi, je suis juriste et je ne peux pas affirmer des histoires pour lesquelles je n'ai pas de preuve. Mm-hmm. Mais là, je dis qu'un parti politique peut s'ingérer dans les affaires d'un autre parti politique, mm-hmm. pour l'affaiblir, le vider de ses membres. Si, par exemple, du PRONA, nous sommes en train de chercher des membres ici et là, dans les autres partis politiques, mm-hmm. c'est très normal. Si on va sur une colline et on recrute des membres du CNDD, FDD, à l'UPRONA, c'est une bonne chose pour l'UPRONA, c'est très normal. Oui, nous allons continuer justement. Mais aussi, j'allais continuer un peu pour les raisons externes. Ah, ouais. Pour les raisons externes. Ok. Il y a aussi un acteur incontournable, c'est le pouvoir. Mm-hmm. Je dis là, le ministère de l'Intérieur, mm-hmm. qui nous aide, qui nous conseille en cas de litige. Les litiges sont soumis en premier lieu au ministère de l'Intérieur. D'autres membres du parti UPRONA qui ne sont pas de votre côté aujourd'hui ont dénoncé le sein des FDD dans la division du parti UPRONA dont vous êtes membre. Vous n'avez pas peur de parler du sein des FDD? Moi, je n'ai pas peur de parler du sein des FDD. C'est un parti comme l'UPRONA d'ailleurs. C'est l'UPRONA qui est le père de tous les partis politiques au Burundi. Si l'UPRONA n'avait pas autorisé le militantisme au Burundi, le sein des FDD ne serait pas là. Je n'ai pas peur de parler du sein des FDD. Mm-hmm. Si demain, il s'interfère dans les affaires de l'UPRONA, mm-hmm. posez-moi la question, je vais le dénoncer. Oui, bon. Ok, nous allons accorder la parole justement à Isangé Ndakoumana du parti Afro-Débouniakouli qui a été récemment fait objet de division. Les causes des divisions internes dans les partis politiques aujourd'hui. Madame, je vais embrayer peut-être par là où Maître Poncien était arrivé. Mm-hmm. Il disait que bon, des partis peuvent déstabiliser d'autres partis, mm-hmm. mais ce n'est pas le cas. Je ne connais pas de parti qui ait pris l'initiative de diviser un autre parti, mm-hmm. sauf le parti au pouvoir. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que dans le contexte qu'il vient de souligner de recrutement des membres, nous devons savoir que les adhésions aux partis politiques sont libres et volontaires. Ça veut dire qu'il y a des flux. Il y a des flux de membres des partis parce que la personne qui était dans ce parti cette législature peut voter pour un autre parti la législature suivante. Mmh. Et la vie des partis, c'est comme ça. Il n'y a pas de parti où l'on entre pour y mourir. Mmh. Non. En principe, ça peut changer au gré des intérêts des populations de changer de parti. Et c'est tout à fait normal, parce que la vie des partis, c'est un peu comme la comptabilité. Mmh. C'est débit, crédit. Mmh. C'est ce qui peut sortir du parti et ce qui peut entrer des partis. Mais quand il s'agit de déstabiliser les partis, certainement c'est le parti au pouvoir. Mmh. Parce que c'est ce parti qui en a les moyens politiques, qui en a les moyens institutionnels, qui en a les moyens financiers, qui a tous les moyens pour pouvoir déstabiliser d'autres partis. Mmh. La preuve, c'est ce qui vient de se passer pour mon parti, mm-hmm. le parti Sawanya Afro-Débouniakouli Ragidianda Daye. Parce que les deux personnes qui ont été évoquées, M. Kefani Bizi et David Nionchungu, ils ne sont membres d'aucun organe du parti. Ils ne sont pas membres du parti. Mm-hmm. C'est la première fois que je vois ça, que des personnes qui ne sont pas membres d'un parti sont propulsées par un pouvoir. Et ils ne sont pas membres du parti? Non. Ou bien ils sont membres du parti, mais ne sont pas membres des organes dirigeants du parti? Non, pas du tout. Mm. Parce que David a été suspendu du parti le 17 décembre 2015. Donc, il n'a pas d'activité à mener au sein du parti. Et donc, il dira que sa suspension, justement, n'a pas respecté les règles. Non, il a accepté quand il a été suspendu. Il n'a pas respecté. Mmh. Absolument pas. Kefani Ibizi, il n'a pas droit. Quoique l'assistant au ministère de l'Intérieur dit que ce n'est pas un policier. Mais un policier, c'est ce Kefani Ibizi, qui travaille à la brigade spéciale anticorruption, dispose d'une carte d'officier de police judiciaire. Alors, si c'est pas un policier, c'est quoi? Mm-hmm. S'il dispose d'une carte d'OPJ, c'est un policier. Donc, il n'a pas qualité, il n'a pas droit de foncer dans des histoires comme ça de parti. Mm-hmm. Alors, ici, c'est 100% la main du pouvoir qui est dans la déstabilisation du parti Sahwanya Frodebunyakuri. Sinon, les problèmes internes, comme le collègue du parti Sahwanya Frodebunyakuri le disait, sont des problèmes gérables. Généralement, sont des problèmes de deux autres. Mm-hmm. Ce sont des problèmes liés à la démocratie interne. Et qui dit démocratie interne, selon moi, c'est d'abord la gouvernance générale du parti en tant qu'organisation. Mm-hmm. Parce que chaque organisation, quand même, il y a des règles de gestion des organisations, que les organisations soient politiques, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient industrielles. Mm-hmm. Il y a quand même des règles communes d'organisation, mm-hmm. des organisations. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais il y a des organes au sein du parti pour pouvoir régler tous les problèmes qui peuvent surgir. Mmh. Alors, les problèmes sont internes, les problèmes ne sont pas au ministère de l'Intérieur, sauf quand au niveau interne, ça ne va vraiment pas. Mmh. Et que tous les organes ont joué leur rôle, mais que malgré tout, il n'y a pas eu de solution. Alors, l'autre volet de ces problèmes internes, c'est quoi? C'est la gestion des luttes de pouvoir, mmh. de la gestion donc des intérêts individuels. Et ça, on le voit généralement autour des périodes électorales, quand il faut confectionner les listes et tout. Mm-hmm. On le voit même après les élections, mm-hmm. quand il faut faire des nominations de cadres et tout. C'est là que ces problèmes s'opposent, et même ces problèmes, ils trouvent souvent la réponse dans des négociations internes au sein des partis politiques. Mm-hmm. Mais ici, ce qu'on voit, c'est quoi? Ici, ce qu'on voit, c'est que le parti CNDD-FDD, depuis qu'il a accédé au pouvoir en 2005, est un parti qui est venu sur le champ politique burundais, qui est un champ de démocratie multipartite intégrale même, je dirais, mais qui a des réflexes de parti unique. Mmh. Et c'est tout à fait normal, mais ils auraient pu quand même profiter de tout ce temps-là pour pouvoir s'adapter. Parce que, vu quand même leur passé, et personne ne peut leur reprocher ce passé-là de maquis. Ça a été dicté justement par l'histoire. Parce qu'on n'aura pas les membres du CNDD-FDD ici pour entendre leur version. Mais est-ce que, même s'il y a, les autres ont parlé de facteurs endogènes et de facteurs exogènes, oui. Et ils ont parlé aussi d'intérêts des partis, est-ce qu'une main invisible peut justement diviser un parti politique s'il n'y a pas des membres de l'intérieur du parti qui aident à cette division? S'il y a des membres de l'intérieur du parti, mais vous savez, la corruption dans ce pays, c'est quand même une réalité criante à tous les niveaux, y compris au niveau politique. Mm-hmm. Qu'on puisse soudoyer quelques militants pour pouvoir déstabiliser un parti, mm-hmm. c'est tout à fait possible. Mm-hmm. C'est absolument possible. Mm-hmm. Mais je voudrais un peu m'inscrire en faux contre une idée qui a été avancée par l'assistant du ministre. Il n'a pas encore parlé. Je n'ai pas encore parlé. Non, mais peut-être que je reviendrai. On y reviendra. Et justement, on va accorder la parole à l'assistant du ministre. Qu'est-ce qui est à l'origine, justement, des divisions politiques internes au Burundi? Merci beaucoup de me poser cette question. Mm-hmm. Avant de répondre à cette dernière, j'aimerais informer l'opinion nationale internationale qu'au niveau du parti Sahwanya Frodebunyakuri, il a dit qu'il y en a d'ailleurs. Mm-hmm. Il y a élection de nouveaux organes, lesquels organes ont été actés par le ministère de l'Intérieur de la Formation Patriotique et que le congrès qui a lié s'est tenu conformément à la loi. Mm-hmm. Voilà. Mais il a dit que les membres qui dirigent justement ce parti n'étaient pas des membres. Concernant les responsables, c'est lui qui le dit. Mm-hmm. Ce que je connais quand même M. Kefa, c'est pas un policier, c'est un civil qui a fait l'université du Burundi. Et c'est Issa Ngendakumana qui est féministe et qui lui a donné ses avantages d'être le commissaire dans son travail. Là. mais peut-être qu'il a un poste où il dirige le corps de policiers. Je vous fais un exemple. Mm-hmm. Dans la loi communale, elle attribue à l'administration communale de jouer le rôle des policiers, mais il n'est pas policier. Mm-hmm. C'est un exemple. Il y a certains postes dans la police qui sont pour les civils. C'est pourquoi je voudrais dire, c'est un exemple, c'est un article qui le dit, il joue parce qu'il coordonne tout. Mm-hmm. Le gouverneur, c'est un exemple, mais il n'est pas policier en principe. Mm-hmm. Alors, concernant David, moi je ne connais pas. Mm-hmm. Si alors en décembre, ils ont fait un congrès où ils ont suspendu la personne, en principe, la loi est claire. S'il y a un changement de nouveaux organes ou de décisions importantes qui ont été prises, on sait dans le parti politique, il y a un procès verbal qui se fait. Donc, le procès verbal est acté par le notaire, il y vient au ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur acte et reconnaît. Jusqu'à maintenant, nous n'avons en aucun cas vu un tel document de ces personnes. C'est pourquoi nous, quand nous avons vu des réclamations, parce qu'il y avait plus de 300 personnes, mm-hmm. y compris même quelques responsables professionnels qui réclamaient qu'il y ait un congrès. Mm-hmm. Alors, après avoir été en cours de leur statut, on a vu que, conformément à la loi, ils peuvent tenir son congrès. Voilà. Alors, je voudrais répondre à votre question concernant mm-hmm. justement les causes des divisions des partis politiques. Mm-hmm. Et alors, quelles sont les causes? Mm-hmm. Je suis d'avis à 100% avec mes collègues que les facteurs endogènes, c'est-à-dire internes, mm-hmm. sont les principaux facteurs qui causent, bien entendu, les divisions des partis politiques. Et pourquoi? Il y a d'abord parfois un problème de leadership. Il peut y avoir un responsable qui, peut-être, ne consulte pas les autres pour prendre les décisions, mm-hmm. et les problèmes commencent. Alors qu'il y a les organes définis dans leur statut. Il peut y avoir aussi la mauvaise gouvernance au sein d'un parti politique, ce qui cause justement des remous et des problèmes. Mm-hmm. Il y a aussi les intérêts des individus, surtout quand les élections approchent. Il y a ce qu'on appelle le problème de positionnement. Il y a des gens qui veulent être devant, qui commencent à dire nous voulons arriver sur les responsables ou servir. Vraiment, c'est principal. Pour moi, il peut aussi y avoir une main invisible extérieure, mais qui n'est pas le gouvernement, qui n'est pas le ministère de l'Intérieur de la formation, mais plutôt, il peut y avoir une manipulation d'une personne étrangère. Mais les autres ont parlé que le pouvoir attise le feu. Mais ce que je m'inscris en faux contre la proposition qui dit que c'est le ministère de l'Intérieur qui pourrait faire cela. Mm-hmm. Même les étrangers peuvent manipuler certains responsables. Ils peuvent dire, voilà, quand je fais les élections, je vais faire ceci, il fait de l'argent, il commence à changer des choses dans son parti, mm-hmm. et les problèmes commencent. Mm-hmm. Voilà. Alors, ce sont les causes principaux, à mon avis, qui mm-hmm. sont à l'origine des décisions de partis politiques au Burundi. Mm-hmm. Voilà. Et quel est le rôle, justement, du ministère de l'Intérieur pour aller dans le sens d'empêcher ces partis de faire des scissions tout le temps? Parce qu'il y a, quand il vient une proposition de scission, ça c'est accepté, c'est vite accepté. Exactement, ça nous pose des problèmes. Ça nous pose des problèmes. Et pourquoi? Un problème très sérieux. D'où ils acquisent alors le ministère? Qu'est-ce qui se passe? Permettez-moi de faire un petit exemple. Mmh. Il peut y avoir des problèmes dans un parti politique. Et vous trouvez que dans ces statuts, c'est mentionné que si les deux tiers des organes demandent qu'il y ait un congrès, il peut se tenir. C'est le troisième. C'est une possibilité qui, parfois, cause des problèmes. Et vous trouvez que certains membres des organes qui ont le quorum hâté pour faire le congrès commencent à faire le tapage, demandent aux responsables. Les responsables ne convoquent pas le congrès. À un moment donné, ils écrivent au ministère de l'Intérieur. Si alors on trouve que les statuts sont respectés, il est possible que le ministère de l'Intérieur accorde, bien entendu, la tenue de ce congrès. Et à ce moment-là, on dit que c'est le ministère qui est en train de viser. Mmh. En fait, c'est le problème de le non-respect des textes internes qui cause des problèmes donc à ce moment. Oui, Isangenda, comment on avait. Une rectification, ouais, quand même sur ce que vient de dire monsieur l'assistant. Mmh. C'est que être policier, ce n'est pas question d'avoir fait les napos. Mmh. C'est une fonction. Mm-hmm. Je dis que Kefani Bizi est policier. Pourquoi? Parce qu'il détient une carte mm-hmm. d'officier de police judiciaire qui lui a été délivrée par le procureur général de la République. Mm-hmm. C'est un policier. Alors, David Nyonjungu dit il a été suspendu. Non. Dans nos procédures, il n'y a pas besoin de congrès pour suspendre quelqu'un qui est en faute. Il a été suspendu. Mmh. Alors, quand il a été suspendu, okay, les gens de sa circonscription se sont organisés pour son remplacement. Nous l'avons notifié à l'autorité provinciale pour dire, votre interlocuteur, ce n'est pas monsieur David, c'est un autre. Mais la loi, voilà, exige que les chargements intervenus doivent être connus par le ministère en charge. Mais vous avez dit, vous parlez de congrès, je ne parlais pas de congrès. Mmh. Il faut aller lire quand même les statuts. Oui, nous allons justement évoluer dans cette émission ce qui est visible, c'est que les partis sont divisés. Et quelles sont les conséquences, Phénias? Les conséquences sont énormes, sont très énormes, vraiment. Mais je voudrais, disons, demander à mes collègues, peut-être et vous aussi, d'organiser un jour une séance pour les deux, comme ça, il va avoir suffisamment de temps, pour s'expliquer. Parler de, ouais. Effectivement. Si on revient à nos moutons, alors les conséquences sont énormes. D'abord, si on détruit les partis politiques, c'est-à-dire on divise les partis politiques, on détruit les piliers de la démocratie. Car les partis politiques font partie des piliers importants de la démocratie. Si on détruit maintenant ces piliers de la démocratie, c'est-à-dire on détruit également la démocratie. Qui dit détruire la démocratie? C'est-à-dire que tous les principes démocratiques sont, disons, abandonnés. Vous voyez le danger. S'il n'y a plus de principes démocratiques, alors le pays aura beaucoup de problèmes au niveau de la gestion. Alors, il y a également, comme autre conséquence, il y a manque d'interlocuteurs. Quelquefois, ceux qui font cela, ceux qui font ces divisions croient qu'ils se facilitent la tâche, mais la plupart des fois, ils arrivent à un certain moment où ils manquent de vrais interlocuteurs pour, disons, résoudre certains problèmes. Puis parce que ces gens-là, ce sont des gens qu'ils ont amenés, qui sont à côté d'eux, mais quand il faut prendre des décisions, il manque des personnes, peut-être pour des vrais conseillers. C'est ça l'autre problème. Des personnes compétentes. Effectivement. Également, quand il y a des partis sont divisés, il y a des institutions qui sont là, qui ne sont pas fortes. Les institutions sont faibles parce que c'est les gens qu'on met dans ces institutions, ce sont des gens, je dis, des demandeurs d'emploi. Des demandeurs d'emploi. Ce ne sont pas vraiment des vraies personnalités qu'il faut mettre dans certains postes. Également, les lois sont déstabilisées. J'ai vu, la CENI a eu beaucoup de problèmes pour la gestion des élections de 2015. Parce qu'il y avait un nouveau concept d'acteurs politiques, mais ce n'était pas prévu dans la loi. Alors, on a eu beaucoup de problèmes au niveau de la gestion. Vous voyez, la loi n'avait pas prévu ça. Et c'est un concept qui est venu à la veille des élections, qui a été créé pour des intérêts, je ne sais quoi. Alors, vous voyez que ça a des conséquences. Onanga Anyanga, celui qui a créé ça. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est lui qui a détruit le FNUD. C'est cette personne-là qui a fait qu'il y ait naissance de l'acteur politique. Alors, il y a même la haine, la haine entre les militants. C'est une conséquence très grave. Parce que si un parti est divisé, effectivement, il y a une intolérance même entre les militants. Et vous voyez que c'est dans une société, lorsqu'il y a une haine, ça peut engendrer, ça peut causer d'autres problèmes. Il y a également une diminution des forces politiques au niveau des partis politiques. Les partis politiques ne sont plus forts. Il est vrai que le parti au pouvoir peut-être peut dire que c'est encourageant, mais lorsqu'on est en train de faire une compétition, il faut avoir des vrais compétiteurs. Oui, les partis forts, c'est ça qui va vous montrer que vous aussi vous êtes forts. Il y a également une création de naissances, de situations très difficiles. Là, je fais allusion à la formation du gouvernement actuel. Regardez l'article 129, alinéa 2. D'où proviennent les membres du gouvernement? Les membres du gouvernement proviennent dans les partis politiques. C'est bien clair. Donc, actuellement, nous avons un gouvernement inconstitutionnel, mais qui a été vu, qui a été créé, qui a été mis en place après la naissance de ce qu'on a appelé les acteurs politiques. Vous voyez? Alors, les conséquences sont très multiples. Donc, diviser les partis, c'est pas bon. C'est créer un désordre dans le pays. Je vous mettrai Poncien Ndayishimiye lever le doigt les conséquences de cette scission des partis politiques. Je voudrais commencer par la dernière conséquence que vient de soulever notre ami de droite. L'article 129, pour moi, il n'y a pas eu violation de la Constitution. Avant de mettre en place... Lisez l'alinéa. C'est le deuxième alinéa de l'article 129 de la Constitution. Les membres proviennent des différents partis politiques ayant réuni plus d'un vingtième des votes et qui le désirent. Les partis ont droit à un pourcentage arrondi au chiffre inférieur du nombre total des ministres, au moins égal à celui des sièges qu'il occupe à l'Assemblée nationale. Mmh. Ici, je voudrais dire qu'avant de mettre en place l'actuel gouvernement, Son Excellence le chef de l'État a saisi la Cour constitutionnelle pour interprétation de cette disposition, de cet alinéa de l'article 129. Et la Cour constitutionnelle a rendu, a répondu à la saisine du chef de l'État en disant que ce n'est pas violer la Constitution, c'est constitutionnel, que c'est ce qu'il appelait les acteurs politiques, mais c'était des indépendants qui n'avaient pas de parti politique. Coalition d'indépendants pendant les élections de 2015. Et ici, le juge, certainement que le juge a procédé à une interprétation en se référant bien sûr aux pratiques, en se référant aux autres sources du droit, en se référant aussi aux accords d'Opé d'Arusha. Lisez les accords d'Arusha, il y a un passage pareil qui dit que ceux qui vont constituer le gouvernement proviennent des partis politiques et des coalitions qui sont allés aux élections. Ici, le législateur, celui qui a écrit la Constitution de 2005, n'a pas mis la deuxième partie, donc les coalitions. Il a omis les coalitions. Mais je crois que le juge, en interprétant, s'est référé aussi aux accords de paix d'Arusha. Et ici, en donnant réponse au chef de l'État, je crois que le juge ne s'est pas trompé. C'est sur base de l'interprétation de la Cour constitutionnelle que le chef de l'État a mis en place le gouvernement. Donc, à mon avis, le gouvernement actuel n'est pas inconstitutionnel. Et ici, je dois souligner que le parti UPRONA n'est pas au gouvernement. Quand vous dites que le parti UPRONA n'est pas au gouvernement, alors que vous avez un premier vice-président de la République. Voilà, c'est ce que j'allais alors, dire. Alors, qu'est-ce qu'il nomme, puisqu'il a beaucoup de ministères à sa charge, n'est-ce pas il coordonne oui, justement, autour de ces huit ministères. Ses membres du gouvernement sont nombreux de combien? Justement, je vais vous répondre à la question. En général, l'article 129 est sous le titre du point 3 du gouvernement. Et il y a un point 2 des vice-présidents de la République. Et il y a un point premier qui parle du chef de l'État. Alors ici... Il faut élargir sa lecture. Attends, si demain le chef de l'État change le gouvernement... Attends que Poncien termine et puis on vous accorde la parole. Oui, voilà. Ce sont deux titres différents. Il y a le titre du gouvernement et le titre des vice-présidents de la République. Et sous ce titre, c'est là où on clarifie d'où proviennent les vice-présidents de la République. Le premier vice-président de la République, ce n'est pas un membre du gouvernement. Je vais dire entre guillemets que c'est l'assistant du président de la République. Vous savez qu'il n'a pas de pouvoir autonome de décision. Il met en application les décrets du chef de l'État par voie d'arrêté. Il n'a pas de pouvoir autonome de décision. Il est là pour mettre en exécution les décrets du chef de l'État. Contrairement aux membres du gouvernement qui sont là, ils sont au nombre de 20 ou de 20 combien, qui décident par ordonnance ou par décision. Moi, je pense qu'il faut que Maître Poncien ne se limite pas dans une lecture très étroite de ce texte, donc juridiquement. Je crois qu'il faut élargir cette interprétation. Il faut absolument élargir cette interprétation. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas dire qu'ils ne sont pas au gouvernement. Il n'a pas le droit de le dire. Il y a un premier vice-président de la République. Il siège au Conseil des ministres, aux côtés du président de la République et des ministres. Il prend des décisions par arrêté. Comme les ministres prennent des décisions par ordonnance. Alors comment peut-il dire qu'ils ne sont pas au gouvernement? Est-ce qu'ils n'ont pas d'ambassadeur à l'étranger? Et les ambassadeurs, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas faire partie d'un gouvernement? Non, pas du tout. C'est pourquoi je dis qu'il faut élargir la définition qu'il est en train de faire. Tout parti politique qui a un ambassadeur, qui a des cadres dans la diplomatie, ce parti-là ne peut pas dire qu'il ne participe pas à ce gouvernement. Le gouvernement, ce n'est pas être ministre c'est d'avoir des fonctions dans une administration conduite par un parti tel. Pour moi, c'est ça, être membre du gouvernement. Que je disais qu'il faut absolument élargir sa lecture des faits. Je ne sais pas comme j'ai la parole. On va d'abord accorder la parole à l'assistant ministre sur ce point. Merci beaucoup. Si, je suis d'avis de Maître Poncien. C'est d'ailleurs la Cour constitutionnelle qui a définit bien et ce que c'est un membre du gouvernement, la constitution est claire. Comme il a bien précisé, c'est comme ça. Donc, un parti politique qui n'a pas un membre du gouvernement n'est pas au gouvernement. S'il parle d'autres fonctionnaires du gouvernement, c'est tous les partis politiques, c'est tous les fonctionnaires qui sont dans l'État, c'est quand même différent. Mais selon la Mais il y a des membres du Front Debout qui occupent des fonctions. L'exemple actuel est que les membres du gouvernement sont maintenant 20. Et il n'y a que des fonctions politiques et des fonctions techniques. Il faut différencier les deux. Ah oui. Il y a des fonctions politiques et des fonctions techniques. Oui, mais il y a même une loi. Il faut différencier les deux. Si on est en état général, c'est une fonction technique. Alors le gouvernement est Est-ce que les arrêtés à ce moment-là, le Front Debout est au gouvernement. Je peux vous citer quelques individus nommés par décret du Front Debout. Pardon. Le Front Debout est au gouvernement. Quoi? Savannah Front Debout est au gouvernement. Et non. Je vous fais un exemple. Le directeur général, donc je ne connais pas du Front Debout. C'est un poste. Non, c'est un décret. C'est un décret du président de la République. Mais j'ai. Un décret, peut-être fait pour des postes techniques. Non, non. Oui. Celui-là n'est pas un poste politique. Non. Pour les postes techniques, on engage quelqu'un et on le change. Non. Mais c'est comme ça. C'est quelquefois vous faites des erreurs. Non. Pour des postes techniques, quelquefois, il y a la loi et là. Je ne suis pas d'accord. La loi est là. Je peux citer même d'autres. Et quelquefois, vous violez cette loi. Non, ce n'est pas. Vous violez cette loi. Non. Vous violez cette loi. Okay, vous faites ça consciemment. Ok, on va continuer. On était en train de parler justement des conséquences de cette scission des partis politiques au sein de la gestion du pays. Oui, il l'a dit, Fénias. Je n'avais pas encore fini sur justement les conséquences. Pour les conséquences de décision des partis politiques, moi je voudrais d'abord ici souligner qu'il faut distinguer les cas. Par exemple, à l'Uprona, je dirais qu'il y a eu des inconvénients, mais il y a eu aussi des avantages. Des inconvénients parce que, comme vous l'avez vu, pendant les élections de 2015, on a eu 2,49%. L'un des facteurs, il y a aussi d'autres facteurs, c'est qu'il y avait eu... L'une des conséquences que Fénias a soulevé, c'est qu'après des sessions pareilles, les institutions ont des membres qui sont faibles, qui ne sont pas compétents. Est-ce que vous n'êtes pas concerné par le cas Je ne pense pas, je ne partage pas. Je suis d'avis contraire. Et je crois qu'il prêche pour sa cathédrale, après tout. Parce que je vois qu'il y a convergence entre monsieur l'assistant et maître porte-parole. Sur l'essentiel, en tout cas. Et c'est tout à fait normal. Et toi, tu converges avec ton para qui est Félias. C'est tout à fait normal. Vous êtes du CND. Vous êtes du CND. Est-ce qu'il y a une parenté entre le Prona et le CNDD-FTD? Justement, c'est ce que je vais souligner parce qu'il dit qu'il y a une proximité entre moi et Fénias. Vous voyez, toi, tu es né du Front Debout. Quand on dit la réalité, toi, tu es l'enfant du Front Debout, mais lui n'est pas l'enfant du Prona. La réalité, c'est la réalité. Même la vérité, c'est la vérité. Écoutez ce que je voulais dire. Si on dit la vérité, continuons de cette vérité. Elle blesse. Vous dites qu'il n'y a pas eu d'oscillation pourtant, mais dites, je se réclame de l'Uprona. Il est quoi? Vous réclamez de l'Uprona? Nous, on ne se réclame pas. Nous sommes de l'Uprona. Nous sommes l'Uprona légal, l'Uprona reconnu par la loi. On ne se réclame pas. Vous dites qu'il n'y a pas d'oscillation? Mon Dieu, je me demande ce que c'est. Alors. On parlait des conséquences. Des conséquences, justement. Il y a la faiblesse des institutions. Ça, il faut se l'avouer. Mais on le constate tout le temps. Regardez toutes les fautes qui se commettent. Regardez ce que vient de faire le ministère de l'Intérieur. En principe. Sur quoi? Messieurs, sur le parti Sonia Frodebouniakouri. Monsieur Pascal Barandaguié, que je connais très bien, est un très bon juriste. C'est un très bon juriste, je le connais très bien. Mais je me demande comment il peut faire une prise d'acte pour convier au parti Savoya Front Debout à deux kidam comme ça, je ne comprends pas. Ça veut dire il va contre la loi, sachant bien qu'il va contre la loi. Et ça y est, ça c'est très grave. Ça c'est la faiblesse d'une institution. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans de telles logiques d'aller contre la loi, d'aller contre l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, d'aller contre la constitution. Et maintenant, ils sont descendus d'un cran. Ils vont, au niveau de la désorganisation des partis, aller contre la loi. Regardez, où avez-vous vu, où avez-vous entendu un gouverneur de province empêcher un vice-président de l'Assemblée nationale de visiter une commune ou des communes? Où? Ça, c'est quoi? Est-ce que ça, c'est pas de la faiblesse des institutions? C'est aussi une des conséquences. Oui, c'est une conséquence, bien sûr. C'est parce que maintenant, c'est comme ça, on domine tout. Il n'y a pas de voix discordante, donc on peut se permettre tout. Voilà ce qui se passe. Mais ça, c'est terrible. J'avais jamais entendu parler de nulle part, nulle part. Un gouverneur qui est un fonctionnaire de l'État, certes, qui est là, qui est l'œil et l'ouïe du chef de l'État, dire, monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, je vous interdis. C'est quoi ça? Où est finalement la séparation des pouvoirs? Quel rapport aujourd'hui y a-t-il entre l'exécutif et l'Assemblée? Quel rapport? Est-ce que ça, ce n'est pas de la faiblesse des institutions? C'est quoi? Alors, autre chose. Il y a, regardez au niveau économique et social. Qu'est-ce qui se passe? Nous descendons. Aujourd'hui, au niveau des classements mondiaux, en termes de développement. Où sommes-nous? Pourquoi? Parce que le pouvoir s'est constitué comme un bloc comme ça. Il n'y a pas d'autres idées qui viennent de là. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus quoi que ce soit. Et alors, on ne peut que descendre dans les enfers. Alors, on a parlé de la notion d'acteur politique. Mais c'est une conséquence directe. Parce qu'il y a des gens qui ont été interdits de faire de la politique. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire de nous. Moi, ils sont en train de m'interdire de faire de la politique quand ils m'ont pris l'espace qui m'appartenait, au travers duquel je faisais de la politique. Alors, ils ont fermé l'espace politique pour les partis politiques, ou en tout cas des partis politiques qui ont été divisés. Ils prennent une partie, l'autre est partie est laissée sur le carreau. Et alors, quand l'espace est fermé, qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Quand l'espace est fermé, eh bien, un jour, ça va sauter. Parce que ce qui se prépare au niveau du CNDD-FDD, c'est quoi? Ce qu'ils sont en train de faire, quand vous êtes un parti politique et que vous émergez, ils vous contraignent à deux choses. Soit la satellisation au parti CNDD-FDD, c'est-à-dire en devenant une excroissance politique de ce parti, ou alors ils vous contraignent à la disparition. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire avec nous. Voilà donc, entre autres conséquences, ce qui se passe avec cette gestion-là calamiteuse des partis politiques par le CNDD-FDD. Oui. Il y a une conséquence quand même qui vient de me frapper. Le cas du vice-président de l'Assemblée nationale qui est empêché par un gouverneur de province, c'est une conséquence réelle parce que le vice-président de l'Assemblée est né d'une scission, est allé aux élections en étant un indépendant. Maintenant, il a pu quand même rassembler des voix et il est à l'Assemblée nationale comme vice-président de l'Assemblée nationale. C'est étonnant qu'aujourd'hui, le deuxième homme fort du législatif soit empêché par un gouverneur de province qui est de l'exécutif de faire son travail. Il s'agit en fait maintenant d'une collision entre l'exécutif et le législatif. Mais ce sont les conséquences de cette division. Justement, c'est ce que je dis. Ce qui est pour moi un peu dangereux. Sinon, ça, c'est un mauvais exemple. Vraiment. J'ajoute qu'actuellement, on observe qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Le pouvoir exécutif s'ingère dans tout. C'est ce qu'on vient d'observer. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, il n'y a pas de séparation. Oui, monsieur l'assistant du ministre de l'Intérieur, le pouvoir s'ingère à tout. J'ai noté tout ce qu'ils ont dit. Gouvernement inconstitutionnel, faiblesse d'institution, gouverneur de province qui empêche déjà, patati patata. Ils ont parlé que l'espace politique est fermé, pas de séparation de pouvoir, niveau économique et social. Le gouvernement actuel est constitué de biens constitutionnels. Mmh. Avant d'être mis en place, le chef de l'État a saisi la Cour constitutionnelle et là. Rendu un arrêt qui démontre bien comment faire. Oui, la Cour constitutionnelle a à un certain moment aussi qui a eu des problèmes. Son cas dit Maître Poncier, porte-parole du parti Bruna, il a donné quelques éléments, je ne vais pas y revenir. Mais nous, n'oubliez pas que cette Cour-là avait des problèmes. Hein. Deuxièmement, faiblesse d'institution. Pas du tout. Quelqu'un est faible dans l'institution, ça dépend de sa personnalité et sa capacité. Si quelqu'un aurait nommé quelqu'un incapable, là, il peut être faible. Mais si vous avez mis une personne qu'il faut de la place, qu'il faut. Pas de problème. Alors, gouverneur de province qui empêche un vice-président, avant de lancer de tels propos, il faut savoir que s'est-il passé, de quoi s'agit-il, avant de réagir. Peut-être vous avez entendu, le gouverneur a empêché la visite, mais il faut savoir quoi, que s'est-il passé en mais fait. Mais selon vous, c'est normal. Je connais ce qui s'est passé là. Alors, vous, qu'est-ce qui s'est passé? Juste un exemple. Vous dites-nous qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une réalité. Oui. Il y avait un programme de visite. Des élus qui sont en vacances, les députés et les parlementaires, chacun dans sa province. Alors il y avait une équipe, les parlementaires natifs de la province, il y avait aussi le premier vice-président de la République, et qui avait un programme de visiter les élus locaux, faire des réunions, la population visiter certains lieux, c'était comme ça. Alors, le travail, qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? Ils ont fait un travail impeccable, jusqu'à peut-être à midi 13h. Mais dans l'après-midi, il y a ce qu'on appelle les meetings d'un parti politique qui n'existait pas. Voilà. Écoutez, merci de l'information. C'est ça que je vous donne. Parce que parmi les grands partis politiques que nous avons, lequel? Quel est ce parti qui a fait le meeting? Il y en a qui commencent à confondre une coalition à un parti politique. Quel est ce parti? Dites-nous la réalité. C'est pas un parti. C'est pas un parti. Ils ont dit qu'ils représentent un organe qu'on appelle la misère. Ils avaient mobilisé des membres. Ils étaient en train de danser comme la campagne électorale. Ici, la coalition est un rassemblement momentané de deux ou plusieurs partis politiques en vue de poursuivre un ou plusieurs objectifs communs conformément aux articles 36 et 48 de la présente loi. Ça, c'est la loi sur les partis politiques. Et la constitution, article 81, il dit que pendant les élections, c'est là où il y a les coalitions. Les élections terminées, il n'y a plus de coalition en précis. Non. Écoute, permettez-moi de parler. Lire l'article 81. Alors, je continue. Et si vous avez un parti politique et que vous voulez faire des réunions, qu'en fait la loi de 2013 sur les réunions publiques, les articles 4, 5 et 6 démontrent bien, si vous voulez tenir une réunion d'un parti politique, comment ça s'organise? Vous savez, vous tous faites des réunions. Nous voyons parfois des équipes des partis politiques qui sont faux. En fait, il y a eu violation de la loi qui organise les réunions des partis. Alors, ok, on se demandait, est-ce qu'il y a un parti politique? Il y a un problème en fait. C'est-à-dire qu'il y a un mélange dans le travail quotidien et après. Donc, en d'autres termes, on ne savait pas de quoi faire. J'aimerais vous informer qu'ici, ce qu'on appelle la misère, n'est pas. Jusqu'à maintenant, on n'a pas un dossier d'un parti à misère à Barundi. Et je vous ai dit bien et bien auparavant. C'est la même chose à Et si vous lisez, exactement. Et si vous lisez le cahier de charge d'un gouverneur, allez-y, de quoi est-il chargé? Vous saurez que ce qu'il a fait n'a en aucun cas violé la loi. Est-il toujours qu'il y a des faiblesses? Les partis politiques, justement, M. Terrence, se lamentent toujours. Ils n'ont pas accès au terrain, sauf le CNDD, FDD seulement. La loi de 2013, articles 4, 5 et 6, on ne peut pas y revenir, j'en ai ici, c'est clair. Si vous voulez faire une réunion, comment faire? Personne ne peut préparer cette réunion et lui refuser. Moi, c'est comme les statistiques. On peut leur faire dire tout ce qu'on veut. C'est pour cela que j'ai interpellé tout à l'heure mon collègue à la lecture à l'interprétation de certaines choses, d'élargir un peu sa vision des choses. Mais monsieur l'assistant, il nous parle d'articles de loi. Nous lisons tous la loi. Mais nous ne l'interprétons pas de la même façon. Parce qu'il y a derrière une arrière-pensée politique, des bénéfices politiques qui nous donnent des lunettes autres que celles qu'utilisent les autres. C'est ça qui se passe avec les gens du ministère de l'Intérieur. Je lui dis que l'autre est policier. Il dit non, il n'est pas policier. Il a fait la biologie. Mais je lui dis non, c'est pas la biologie. Mais les biologistes peuvent bien travailler dans des labos de police. Bien sûr. Vous le savez. C'est ça le problème. Mais il dit qu'on peut organiser des réunions un peu partout. Où? Quand dans un pays l'insécurité est généralisée et que la peur règne sur des communes entières, des provinces entières, comment voulez-vous qu'un parti ose préparer une réunion? Il y a des tueries. Quand quand des gens sont finalement, enlevés. Finalement, ce n'est pas le ministère qui vous empêche, c'est vous-même qui ne voulez pas faire des quand des gens sont enlevés, voilà. Disparaissent ou sont tués, comment voulez-vous, et des gens de l'opposition, comment voulez-vous qu'un parti de l'opposition ose convoquer des réunions, tenir des meetings, à moins qu'ils veuillent se suicider. Mais on le fait. On fait des réunions. Attendez, oui, nous, on fait des réunions. Je vais vous dire, Marie-Ange. Quand l'administration communale et provinciale et collinaire est politiquement monocolore et que les Imbonerakure sont sur toutes les collines, se donne même le droit de dire qu'il patrouille sur toutes les collines, de dire à toute personne autre que membre du CNDD-FDD de rentrer dans sa maison s'il ne veut pas être tabassé. Comment voulez-vous que des gens de l'opposition puissent organiser leurs activités? Mais c'est absolument impossible. Et c'est dans un tel climat, c'est dans un tel climat lourd, un climat de plomb, que nous travaillons. Alors, beaucoup de partis aujourd'hui sont contraints à la clandestinité. Je ne vous le cache pas. On peut l'observer un peu partout. Même et des membres du FNL, justement, à Kirundo, ont été emprisonnés, voilà, accusés d'un réunion. Oui, membres du FNL. Oui, à Kirundo, il y a quelques semaines. Plus d'une vingtaine. Oui. Ont été emprisonnés. Il faut inviter Jacques Guimana, vous éclairer sur ces membres qui ont eu des problèmes. Voilà. C'est ça. Parce que celui qui le connaît comme Pierre du Parti, il faut l'inviter ici. Non, invitez-le ici et il va dire. Vous voyez le conseil. Le bon. Nous allons cheminer vers la fin de l'émission. Nous allons donner la parole. On revient vers vous, monsieur Fenia Songa. On accorde la partie prenant, ils ne sont pas inquiétés. Ils tiennent des meetings comme ils veulent. Nous tenons des réunions, mais nous avons la même inquiétude que monsieur Issa, parce que nous faisons le constat qu'il y a eu un rétrécissement de l'espace démocratique et les valeurs démocratiques au Burundi. C'est suite à cette crise que nous venons de traverser. Maintenant, il faut tout faire pour créer un climat qui permet aux partis politiques de bien fonctionner, de bien travailler et d'aller même sur terrain. Nous faisons le même constat avec les autres que c'est vraiment difficile aujourd'hui d'exercer pour les partis politiques leurs droits politiques. Nous espérons qu'avec la paix qui revient de plus en plus, avec l'aide du ministère de l'Intérieur, nous allons bientôt exercer nos activités librement. Est-ce que vous avez une certaine contribution justement parce que vous êtes au pouvoir, hein? Vous êtes au pouvoir justement. Je sais que l'IPRONA est en train de contribuer, de donner ses contributions, notamment effectivement dans le retour des principes démocratiques. Voilà. Oui, Fénias, vous voulez réagir? Bon, je voulais d'abord, pour que le parti fonctionne normalement, il faut d'abord un environnement politico-sécuritaire qui est viable. Il faut en créer. Il faut créer cet environnement. C'était le rôle de la feuille de route qui a été signée par le gouvernement, les partis politiques, la société civile en 2013. Oui, voilà. C'était ça. Voilà. Il faut... C'est resté lettre morte et c'est le gouvernement qui devrait en répondre. Et je pense que même avec le dialogue politique, avec les négociations, nous allons discuter sur cette question. Il faut qu'il y ait cet environnement politique, politico-sécuritaire qui soit amélioré. Justement. Alors, je voudrais revenir maintenant sur la coalition. L'assistant du ministre, lui, il a voulu seulement dire que les coalitions sont autorisées seulement au niveau des élections. C'est faux. Regardez, article 79, je vais lire. Les partis politiques et les coalitions des partis politiques doivent promouvoir la libre expression du suffrage et participer à la vie politique par des moyens pacifiques. Est-ce qu'on peut participer à la vie politique surtout pendant les périodes électorales? Non. Les coalitions peuvent exister. Elles se font élire sur base d'un programme. Voilà. S'ils gagnent les élections, si les coalitions gagnent les élections, voilà, qui va mettre en œuvre ce programme? Alors, c'est qui? 81. L'article est clair. Les partis politiques peuvent former des coalitions lors des élections. Alors, maintenant, les coalitions peuvent exister même en dehors des élections. Forcément. Parce que les élections, c'est une petite période. Qui met en application la constitution précise que lors des élections, effectivement, les partis politiques peuvent former des coalitions. La coalition est un rassemblement momentané de deux ou plusieurs partis politiques en vue de poursuivre un ou plusieurs objectifs communs conformément aux articles 36 et 48 de la loi régissant les partis politiques. Alors, voilà. entre la loi c'est le parti politique, et la constitution, qui est au-dessus. La loi émane de la constitution. Alors, voilà. En application. Voilà, il faut être clair. La loi voilà. Vient éclairer le sens assez profond des articles. Non. Voilà. Nous allons cheminer vers la fin justement de l'émission et nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que les partis politiques, vers la réunification des partis politiques. Nous commençons par Issa Nguenda-Koumana. Quelle est votre proposition? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les partis puissent encore une fois se réunir? Merci madame. Mm-hmm. Ce qu'il faut faire, c'est que le ministère de l'Intérieur, qui pour l'instant a la charge de la gestion des partis politiques, puisse dépasser les intérêts partisans du parti CNDD-FDD au pouvoir. Mmh. Et aider effectivement les partis, les aider. Ce n'est pas les gouverner, mais c'est de voir que les partis sont en train de travailler dans la stricte légalité. Mmh. Et le cas échéant, peut-être assurer une certaine conciliation ou en tout cas techniquement voir comment on peut aider un parti à surmonter mmh. un problème donné mmh. à un moment X. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le ministère de l'Intérieur est au service du parti au pouvoir et que tous ces agissements sont des agissements partisans. Il faut donc dépasser ça. C'est pour cela d'ailleurs que dans les débats auxquels j'ai quelquefois participé, il y a aujourd'hui des voix qui s'élèvent pour dire que la gestion des partis soit confiée à un organe autre que le ministère de l'Intérieur. Mmh. Un organe qui pourrait être mis en place, qui serait un organe politiquement neutre, mmh. techniquement bien outillé mmh. pour pouvoir, le cas échéant, aider les partis. Mmh. Oui, Maître Poncien Daïchi Mie, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les partis politiques profondément divisés puissent encore une fois se réunir? J'interpelle d'abord les membres de ces partis politiques mmh. De faire preuve de l'amour de leur parti et avoir une vision commune de leur vision de départ et ne pas mettre en avant les intérêts personnels, mmh. les intérêts individuels. Et si surtout je fais le clin d'œil pour les organes dirigeants des partis politiques. Si au sein des partis politiques nous sommes solidaires, rien n'empêche qu'on pourra éviter cette main derrière, cette main invisible que certains d'entre nous soupçonnent. Mmh. Pour le ministère de l'Intérieur, je recommande qu'il fasse une bonne lecture de la loi, des textes qui régissent les partis politiques et donner des conseils efficaces pour maintenir l'union dans les partis politiques. Fenias Nigawa, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les partis politiques, aujourd'hui divisés au Burundi, puissent encore une fois se réunir? Je voudrais d'abord demander au pouvoir, si je précise le ministère de l'Intérieur, de ne pas s'ingérer dans le fonctionnement interne des partis politiques. Deuxièmement, il faut que ce ministère encourage les partis politiques à se réunifier. Mmh. Ici, je souligne le mot « encourager mmh. ». Comme ça a été convenu lors de la feuille de route, il faut encourager. Comme ça, vous n'aurez pas de problème, même les problèmes que vous avez aujourd'hui. C'est parce qu'il y a cette division. Il faut les encourager à se mettre ensemble. Il faut également être un bon père de famille dans la gestion des partis politiques. Éviter vraiment des prises de position dans à la gestion des partis politiques. Pour les partis politiques, il faut également qu'ils améliorent mmh. leur gouvernance démocratique. Mmh. Oui, oui. Même les militants, maintenant je m'adresse aux militants, mmh. il faut que les militants vraiment aient une certaine maturité mmh. pour ne pas accepter de détruire leur propre parti. Mmh. Pour des intérêts sectaires. Effectivement, il faut qu'ils privilégient les intérêts généraux mmh. et non les intérêts sectaires. Mmh. Je rejoins la position de mon ami Issa. Mmh. Il faut avoir un autre organe de gestion pour les partis politiques parce que nous avons constaté que le ministère de l'Intérieur à la tête il y a un membre de l'FDD. Et demain, ça sera peut-être un autre membre d'une autre majorité. Dans notre parti. C'est un autre parti qui travaillera dans la même logique. Ça sera le disons. Donc, vous accusez que le ministère travaille au compte du parti au pouvoir. C'est clair, normalement, c'est les partis, ce sont les partis qui font la compétition. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'il va accepter de perdre les élections? Mm-hmm. C'est pourquoi maintenant nous demandons à un organe un peu neutre pour la gestion des partis politiques. Ça peut aider. Mm-hmm. Quand on gère, on doit essayer essayer d'avoir un climat, un bon climat, un climat qui est sain. Vous voyez, même au niveau des associations, c'est ça des nyakulisations. On va nyakuliser jusqu'à quand? Je pense qu'il est grand temps qu'on se le saisisse pour reconstruire les partis politiques et renforcer la démocratie au Burundi. Je vous remercie. La dernière intervention justement est accordée à l'assistant du ministre. Terence, le ministère de l'Intérieur est pointé du doigt justement et il favorise les divisions et puis aussi la nyakuisation comme ils l'ont dit. Qu'est-ce qu'il faut faire, puisque la balle est dans votre cas, pour que les partis puissent se réunir? Merci de me poser ta question. En premier lieu, avant de répondre, je voudrais m'inscrire en fond contre certains propos de M. Issanga Ndakoumana et de Phineas, qui affirment haut et fort qu'aujourd'hui, dans la situation des 10 pays, ce n'est que les insécurités, ce ne sont que des assassinats. Je pense que c'est le mensonge. J'aimerais informer tous ceux qui nous écoutent, la population mais qui est là, qui va, qui a des activités, qui circulent. Ça, c'est d'abord faux. Ça, c'est j'aimerais bien que ce soit faux. C'est j'aimerais faux parce que mais, vous êtes ici, vous allez rentrer chez vous sans problème. Si vous voulez aller à Kirundo ou ailleurs, je sais que vous n'avez pas de problème. Mais Posé a dit cela. Laissez-moi. Même, je sais qu'ils vont rentrer chez eux sans problème, ils sont ici sans difficulté aucune, ça c'est le mensonge. Même la population, ils vous écoutent. Pour avoir la crédibilité d'abord de la population, si vous êtes ici au micro, il y a des gens qui sont ici. Il n'y a pas d'assassinat. Nous avons 2900. Il n'y a pas d'assassinat au Burundi. Non, écoute. Il n'y a pas d'enlèvement au Burundi. Est-ce que je continue ou quoi? On vous a accordé la parole. Laissez-moi parler. Les gens sont en train de mourir. Ça, c'est faux et c'est faux. Permettez-moi de répondre à ça. Deuxièmement, mais quand même, il y a des tueries qui s'observent. S'il y a Bujumbura, quelques assassinats ciblés, même à l'intérieur du pays. Vous savez. Mais ce n'est pas le ministère de l'Intérieur. Ce que le ministère va faire, nous demandons d'abord aux partis politiques d'abord de respecter les lois, à commencer par la Constitution de la République et les autres lois qui émanent de cette Constitution. Ça, c'est comme vous voulez. Nous demandons à ces responsables des partis politiques de respecter les textes qu'ils ont mis en place eux-mêmes, en l'occurrence, les statuts et les règlements de l'ordre intérieur. C'est cela qui pose des problèmes. Je demanderai à ces personnes d'éviter toute spéculation. Si vous dites qu'on ne travaille pas, est-ce qu'on empêche personne à travailler? Parfois, on invite même les responsables des partis politiques. Parfois, ils viennent. Parfois, ils ne viennent pas. Il y en a qui viennent. Souvent, à l'offre de vous, viennent. Parfois, ils s'absentent. Je ne sais pas. Mais personne ne l'empêche. J'aimerais vous informer que même la loi nous évite, nous impose de ne pas nous ingérer dans les affaires des partis politiques. Et c'est la vie. Jamais dans la vie. Donc, ce que raconte Issanga Ndakoumana aujourd'hui, c'est ce que racontait Léonce quand l'offre de vous, il y a couru à une naissance. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui précisément, oui. Quel sera le rôle du ministère de l'Intérieur pour la réunification justement de tous ces partis, de toutes ces parties qui sont divisées? Le rôle que nous allons faire, nous allons mettre en application l'article 8 de la loi sur les partis politiques qui permettent de se fusionner. Nous avons vraiment une multitude de partis politiques. Il faut qu'ils se mettent ensemble et qu'ils se fusionnent ou fassent des coalitions afin de diminuer, afin d'avoir de la force, comme elle a dit Fénia, sans avoir. Madame, ils ont démissionné. Nous allons respecter. Est-ce que ce rôle aujourd'hui revient davantage aux ONG qu'au ministère de l'Intérieur? Écoutez, nous allons allez respecter la loi qui est partis politiques. Allez voir ce que fait l'initiative échange. Que ce soit dans la méthode. Ils ont de cette loi et de la Constitution. Ouais. Ce qui est dit, c'est faux, c'est pas comme ça. Okay. Nous lisons notre loi pour faire respecter cette loi en matière de gestion des partis. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie tous nos invités pour avoir répondu à l'invitation. Merci à l'assistant du ministre pour justement votre participation à l'émission Mosaïque. Merci beaucoup, Madame la journaliste, de nous avoir invité. Même à la prochaine, nous allons répondre à votre invitation. Nous remercions également les auditeurs qui nous ont écoutés. Nous les remercions beaucoup. Oui, Oui, merci également à Isangé Dakoumana pour votre contribution à l'émission Mosaïque. Je vous remercie, madame. Merci à Maître Poncien Daïchimie pour votre participation justement à l'émission. Merci beaucoup, Elprona. Je souhaite que vous continuez à l'inviter à ces débats. Merci à Phénias Nigaba pour avoir répondu à notre invitation. Oui, je vous remercie. Serafine Akizimana a été à la mise en onde de Marie-Ange Zeman, a été avec vous au micro. Et encore une fois, bienvenue dans les autres émissions de la radio Isanganiro. Mosaïque.